Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89,1 et comme François vient de l'annoncer, nous commençons notre émission par une virée nordique. C'est le printemps, la neige et la glace fondent et dans l'Arctique aussi, la glace va fondre. On l'entend d'ailleurs chaque année, la banquise s'amincit. On parle de l'ouverture du passage du Nord-Ouest. Par où pourraient transiter les navires? Alors, qu'en est-il exactement? Pour le savoir, j'accueille Sébastien Pelletier. Il est étudiant au doctorat à la faculté de foresterie, géographie et géomatique à l'Université Laval. Bonjour Sébastien. Bonjour. Donc, dans un premier temps, je t'inviterai, s'il te plaît, à te présenter un peu mieux que ce que je viens de faire brièvement. Alors, écoutez, mon nom est Sébastien Pelletier. Je suis étudiant en doctorat au département de géographie de l'Université Laval, qui fait partie de la faculté de foresterie, géomatique et géographie. Je suis à ma deuxième année. J'ai réalisé mon examen de synthèse. Donc, maintenant, je peux m'attaquer sur ma recherche à fond, là. Sous la direction du professeur Frédéric Lasserre. D'accord. Donc, ce que tu dis, c'est le passage du Nord-Ouest. Donc, on entend régulièrement dans les médias que la glace fond, que ça va libérer le passage, que les navires vont pouvoir circuler, puis que peut-être ça va ressusciter une certaine guerre froide. Et donc, pour connaître un petit peu la réalité de ce qu'il en est, tu as interrogé des armateurs pour voir un petit peu ce qu'eux en pensaient de cette éventualité. Oui, exactement. Alors, si tu me permets, je vais faire une petite introduction par rapport... au contexte climatique qui est dans l'Arctique. Alors, c'est qu'on sait que la fonte estivale de la banquise confirmée été après été depuis plusieurs années maintenant et qui est largement documentée et trouve un large écho dans les médias et alimente de nombreux scénarios spéculatifs sur le renouveau supposé d'une guerre froide, voire même, certains parlent même d'un réel conflit dans l'Arctique pour à la fois le contrôle des ressources et surtout le contrôle des routes maritimes. Donc, l'idée, c'est que cette fonte de la banquise va relancer les projets qui ont été abandonnés au 19e siècle, des projets de routes maritimes qui étaient plus courtes entre l'Europe et l'Asie. Ouais. Alors, c'est sûr que si on regarde une carte de l'hémisphère nord, on va réaliser que le trajet Londres-Yokohama, par exemple, donc Londres-Royaume-Uni-Yokohama-Japon, par le passage du Nord-Ouest, va représenter une distance de 15 700 km. Alors, c'est nettement moins que si on décide de passer par le canal de Suez, qui est à 21 200 km, ou encore canal de Panama, 23 300. Donc, on se retrouve avec un constat qui alimente l'idée que ces routes arctiques qui sont plus courtes vont forcément attirer une navigation de transit qui est très importante. Ben oui, si on imagine que c'est plus court, c'est un gain de temps, c'est une économie de carburant. Donc, c'est... Exact. Donc, ça pourrait donc entraîner et devenir un enjeu politique majeur. Mais au-delà de cette apparence d'avantage qui est décisive, ces routes demeurent semées d'obstacles à la navigation. Ouais. On parle de brouillard, on parle de froid, j'allais dire sibérien, mais c'est le froid arctique, absolument, noirceur totale pendant l'hiver. Et ensuite, on a des blocs de glace qui se déplacent à la surface de l'eau qui sont à peine perceptibles. Okay. Qui s'appellent les bourguignons, ce sont des growlers en anglais. Et si on les heurte à pleine vitesse, donc environ entre 15 et 20 nœuds, fois 1,8 pour vous donner l'idée en kilomètre-heure, eh bien, ça peut couler un bateau. Et on ne les voit pas bien. On ne peut pas, exactement. Donc, c'est un danger. Exactement. Donc, nous, on s'est dit, bon, alors, ça va intéresser les armateurs. Il y a une distance plus courte. C'est mon directeur qui a initié la recherche et j'ai embarqué en cours de route. Donc, on s'est dit, on va les interroger directement. Ce sont les acteurs qui sont impliqués dans le développement maritime. On va leur demander ce qu'ils en pensent et pour être capable de mesurer leur intérêt. Et les résultats qu'on a obtenus sont bien loin de correspondre à ce que les médias avancent. Est-ce que vous avez réussi à en interroger beaucoup? On en a interrogé 142 et 98 d'entre eux ont répondu. D'accord. Et je peux vous dire tout de suite que sur ces 98 compagnies, il y en a 71 qui ont dit non, nous ne sommes pas intéressés. Et il y en a seulement 17 qui ont dit peut-être oui. D'accord. Voilà. Donc, ça donne une idée un petit peu de la couleur. Et qu'est-ce que vous leur avez posé comme question? Ben, la première question... En fait, c'est envisagez-vous de développer des activités dans les régions arctiques? Et la deuxième question, c'est pourquoi envisagez-vous ou non de développer vos activités dans l'Arctique? Donc, on a réussi à récolter une série d'arguments qui permettaient de regrouper les réponses. Alors, dans les entreprises qui entrevoient un accroissement des occasions d'affaires dans l'Arctique... Donc, les 20, 30, là, qui... Les 17, exactement. Les 17 qui disaient oui, peut-être. Oui, peut-être. Ouais. Et c'est pas un oui franc. Il y a beaucoup qui hésitent, là. Ouais. Alors, elles évoquent un intérêt pour la route de transit, mais elles ont conscience qu'il y a encore beaucoup de difficultés potentielles, notamment la nécessité d'investir dans des coûteux navires à coque renforcée. qui sont de coque minimum 1A. Et là, on parle de 3 fois plus cher qu'un vraquier normal ou un pétrolier normal. Mm-hmm. Donc ça, c'est beaucoup d'argent. Le risque inhérent à la navigation arctique du fait de la glace dérivante, comme j'en ai parlé tout à l'heure. La saisonnalité. Donc, la difficulté de planifier. Quand on veut expédier des marchandises, on aime, surtout les compagnies maritimes, aiment savoir exactement quel port, à quelle heure, quel jour leur navire va se retrouver. Donc là, malheureusement, ça ne sera pas possible parce qu'avec l'incapacité de prévoir l'ouverture des détroits, de prévoir la facilité de passage, on ne pourra pas honorer les horaires. Donc, de plus, il y a la rareté des infrastructures. Dans l'Arctique, il n'y a rien. Actuellement, dans l'Arctique canadien, je spécifie, il n'y a presque rien. Infrastructure de recherche et sauvetage, infrastructure portuaire, s'il arrive un accident quelconque, on est laissé à soi-même. Ouais. Alors que du côté russe, qui s'appelle le passage du Nord-Est, la route maritime nordique, de ce côté-là, depuis les années 30-40, on a mis beaucoup de moyens pour développer cette route afin de favoriser, si on veut, le trafic vers cette section du globe. Et ça marche parce que les Russes ont mis énormément d'argent dans une escorte de brise-glace nucléaire. Donc, un navire qui a l'intention d'emprunter un passage arctique va d'emblée probablement pencher vers l'option du passage du Nord-Est. Donc ça, c'est un petit peu les arguments contre, pour les armateurs qui ne sont pas vraiment intéressés à passer par le passage du Nord-Ouest. Ben, en fait, ils le sont, mais ils sont juste conscients qu'il y a vraiment une nécessité d'investir à ce niveau-là, d'avoir des bateaux solides. Et ils sont aussi conscients que c'est surtout au niveau de la desserte locale que les opportunités vont se présenter. On parle de réapprovisionner les communautés locales ou de servir de soutien à l'exploitation offshore. L'exploitation, donc, des ressources non renouvelables en mer. Mm-hmm. Et on sait que ce genre d'exploitation a besoin de beaucoup, beaucoup de navires de soutien, brise-glace, escorteurs et remorqueurs. Mm-hmm. Donc, les gens qui seraient intéressés, les armateurs qui seraient intéressés, ce ne seraient pas des armateurs qui feraient du transit Londres-Japon, mais qui auraient de la livraison à faire dans les communautés au nord. À ce moment-là. Exactement. Donc, c'est vraiment la destination. C'est ça. C'est un trafic de destination. Soit on va chercher quelque chose, soit on va le porter. Mais l'idée d'emprunter ce passage pour sauver du temps n'est pas du tout à l'ordre du jour, puisqu'on sait que les navires vont devoir naviguer à des vitesses réduites. Ouais. Donc, l'avantage de distance l'apparence avantage de temps disparaît. Oui, c'est ça. S'ils circulent moins vite, forcément, c'est plus un gain de temps. Ou alors, sinon, l'autre problème, c'est qu'il faut qu'ils s'équipent de navires plus résistants là, pour pouvoir faire face aux blocs de glace qui dérivent, etc. Surtout pour satisfaire les assureurs. Les assureurs ne laisseront pas aller les bateaux poubelles emprunter ces passage délicat. Ouais. Alors, ces compagnies vont de loin préférer la régularité des routes qui sont déjà connues, même si elles sont un peu plus longues, mais au moins, il n'y a pas de surprise. Et tu parles aussi, donc, bon, il y a la livraison de la marchandise, mais aussi, certains seraient intéressés pour aller y prélever des ressources naturelles. Donc, ça aussi, on entend en parler. Oui. La glace fond, on a peut-être accès à des ressources naturelles. Est-ce qu'il y a des litiges de ce côté-là? On parle de quelles ressources naturelles? Ben, écoutez, on parle de gaz naturel, on parle de pétrole. Une estimation de la USGS, le United States Geological Survey, en 2008, qui a découvert qu'environ 30% des réserves de gaz et 13% des réserves de pétrole non encore découvertes dans la planète, principalement au large des côtes, se trouvaient dans l'Arctique, à moins de 500 mètres de profondeur. Donc, mais l'essentiel de ces réserves, on se retrouve du côté russe. Par contre, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ce sont des estimations. Ces chiffres sont des estimations, il faut les considérer comme telles, sinon on risque de propager des fausses idées qui peuvent avoir des répercussions politiques, publiques, substantielles. Il suffit de penser à d'éventuels conflits ou guerres découlant du contrôle de ces ressources. Par contre, ce qu'on n'entend pas souvent, c'est que la presque totalité de ces réserves, c'est-à-dire 95% d'entre elles, se retrouveraient à l'intérieur des zones économiques exclusives qui sont non contestables des pays riverains de l'Arctique. Ça, on parle de 200 000 marins à partir de la côte. Cette zone appartient au pays. C'est le droit international reconnaît cela. Mm-hmm. Donc, D'éventuelles tensions ou hostilités découlant de l'appropriation de ces ressources sont peu envisageables dans un proche avenir. Donc, voilà. Si je comprends bien, finalement, il n'y a pas vraiment de guerre froide en vue, d'une part, parce que de toute façon, ce n'est pas un passage qui intéresse beaucoup d'armateurs dans le sens du transit d'un océan à l'autre. Non, c'est ça. Ce serait donc essentiellement pour livrer la marchandise localement, mais là, bon, c'est dans un territoire donné. Exact. Ou alors pour prélever des ressources qui sont aussi identifiées déjà à un territoire. Exactement. Donc, exactement. C'est une fausse idée, finalement. C'est ce qu'on a découvert. C'est ce qu'on a découvert parce que nous aussi, on croyait au départ que ça allait susciter une augmentation du trafic. La plupart des scénarios de la US Navy sont basés sur une explosion du trafic, justement parce qu'on pense que, vu que c'est plus court, ben ça va être plus rapide, mais non. Et je peux vous dire tout de suite que la plupart des pays arctiques sont appelés à collaborer, comme ils l'ont démontré lors de la déclaration d'Ilulissat en 2008 au Groenland. Tous les pays arctiques ont démontré leur volonté de régler les litiges de façon amicale, les litiges qui pourraient éventuellement découler de revendications territoriales qui restent à faire. Donc, les pays arctiques, les pays circumpolaires, oui. Donc Canada, Groenland, Russie... Groenland par le Danemark, ouais. Russie, et Norvège. Norvège, d'accord. Exactement. Bon, il y a un peu de Finlande et de Suède, ouais. qui se mêlent à ça et évidemment l'Islande. Ouais. Mais grosso modo, les quelques petits litiges qui restent à régler vont être réglés de façon amicale dans les prochaines années. Bon, bah, je pense que c'est une bonne nouvelle. Pas de guerre nordique froide en vue. Ça devrait pas. Merci beaucoup, Sébastien, d'avoir levé ce voile, de peut-être déboulonner un mythe, peut-être. Une épée de Damoclès qui pendait peut-être sur la tête du Nord. Donc, merci beaucoup, Sébastien. C'est moi qui vous remercie. Ça m'a fait plaisir d'être ici. Donc, je rappelle, Sébastien Pelletier est étudiant à la faculté de foresterie, géographie et géomatique à l'Université Laval. Alors, on part en pause musicale sur CKRL au 89,1.